pièce maîtresse, 78, l'exhaleur Mariem, 5000 sous SPK, on est là, ouais. C'est l'exhaleur, ouais, moi j'ai rien d'un homme de la finance, sans rémunération, j'ai emprunté la voix de mon silence, la terre va mal, j'y réfléchis pendant que le monde y pense, autant que la foule, moi je m'en fous de voir mon nom qui danse, en fait, méfie-toi de l'eau qui dort, et ouais, tati l'eau qui l'eau, et on lui fera payer le prix fort. Les dirigeants veulent diviser mon esprit de corps. C'est pas demain que ça risque d'arriver, les miens de l'esprit grand. J'ai que mes écrits pour dessiner mes pensées, pour esquiver mon passé, que ma destinée soit tracée. Je m'estime heureux, ne croyez pas que mon stylo pleure. Je m'exprime simplement, je ne suis pas de ceux qui ont pris peur. J'ai pas idée, moi, d'aller maltraiter mes sœurs autant que mes frères. Je ferai honneur à mes prédécesseurs. J'ai moins de respect, n'attends pas la réciproque. Billboard confirmera que c'est la paix que mes réciproques. Méfie-toi de l'eau qui dort, les apparences sont trompeuses. Telle une substance inodore, belle et casque notre propos. Méfie-toi de l'eau qui dort, quand ça s'agit de ces trop d'art qui se transforme en geyser, Mariam l'exalte de bas. Méfie-toi de l'eau qui dort, les apparences sont trompeuses. Telle une substance inodore, belle et casque notre propos. Méfie-toi de l'eau qui dort, quand ça s'agit de ces trop d'art qui se transforme en geyser, Mariam l'exalte de bas. Tes longs discours ne font pas de toi un libre penseur. On ne juge pas le contenu d'un livre à son épaisseur. Moi je parle peu, bossant dans l'ombre, l'écrou luisant, introduisant ma vie au monde depuis 6 ans. Sans succès, grattant la feuille loin des chimères. Mes sommores sont forts, lourds de sens, rien de sommaire pour mes quinfres. Mes sefs, mes arabes, mes ritales, les stables, les irritables, mes srables, les véritables. Méfie-toi de l'eau qui dort comme en Thaïlande. C'est l'histoire de l'homme qui tournait cette fois sa langue. Tu savais que ta confiance n'avait pas de sens. Prends conscience que j'ai la science et la patience, ma sale face. Capuché, je pense qu'à bûcher avant le trépas. Vu des fichiers, je ne me vanterai pas car le bruit court. Que les faux craignent une remise à leur juste prix pour ne pas voir Mariem de bel exhaleur. Méfie-toi de l'eau qui dort, les apparences sont trompeuses. Telle une substance inodore, bel et casque notre propos. Méfie-toi de l'eau qui dort, quand ça s'agit de ces trop d'art qui se transforme en geyser, Mariem l'exalte de bas. Méfie-toi de l'eau qui dort, les apparences sont trompeuses. Telle une substance inodore, bel et casque notre propos. Méfie-toi de l'eau qui dort, quand ça s'agit de ces trop d'art qui se transforme en geyser, Mariem l'exalte de bas. Le calme n'est pas solitaire. Dans la nuit, tu sais à quoi t'attendre après un éclair. La tête claire et l'œil vif quand les cris lui font défaut. Mais quand ses idéaux se défont, son silence déguise en faux. D'enfant à femme au fond, c'est faux de dire que ça change. Si ce n'est la rage et l'engagement dans mes chants. Toujours présente pour mes gens, t'entends pas les cris. On nous cache la colère du Congo à la Palestine. On nous passe le bic sans en connaître sa puissance. Méfie-toi de l'encre comme de l'eau au fond du puits. C'est l'exhaleur de B et moi-même jusqu'à l'épuisement. Est présent même si la pluie ment. Y'a pas que la paix qui m'habite quand le silence m'habille. Sache que la rancœur, la peine et la fatigue m'habillent. Ma tête claire et l'œil vif quand mes cris me font défaut. Et si mes idéaux se défont, mon silence déguise en faux.